phase 4. Yeah. L'histoire, tu la connais, on ne fait que de charbonner, à courir après la monnaie ou vouloir toucher les sommets. On est toujours allé, on le restera. FLX, ASCAP, ne nous teste pas. C'est pas de l'encre dans mon bic, c'est ma sueur et mes larmes. Je déballe mes tripes sur le beat, mes peines et mes drames. Et ouais, ça crame dans ma tête, et je gère comme je peux. Du Jackie et un spliff en guise de thérapeute. Je donne tout à la musique, lyrical est mon usi. Je veux pas finir mon existence à taffer à l'usine. Alors je fais tout ce que je peux pour m'en sortir. Pas évident quand t'as grandi sur un stand de tir. La vie un champ de mine, nos cœurs des champs de ruines. Les cimetières sont remplis d'ex, gens pleins d'avenir. Je sais que mon tour viendra, je me fais pas d'illusions. Et personne en se bat, mon stoppera mon ascension. Ils sont des champs de mine. Ça plaque pas, c'est la même à chaque fois. Malgré les obstacles, on trébuche à chaque pas. Ils sont des champs de mine. Yeah. Ici ça plaque pas, c'est la merde à chaque pas. Malgré les défaites, je me relève à chaque fois. J'ai trop souvent marché dans l'ombre, je ne sais même plus où me poser. Parfois j'ai une vision sombre, alors je m'emberge pour avancer. C'est la même du nord au sud, on mène une vie trop rude. Mon univers, un château de cartes, il s'écroule de jour en jour. Je reconstruis, je bâtis, je tombe, je me relève. Toujours seul, entouré de mes rêves. J'esquive tous les parages, tant de lutte pour s'imposer. T'as un champ de mine sur un nuage. Yeah. Tout seul au monde, un peu comme Cillian Murphy. Beaucoup tombent de haut, mais qu'est-ce qu'il y a dans leur vie? Des successions de galères, des merdes qui s'accumulent. Et au placard ou dans la tombe, et bah on fait le cumul. Non, non, faut pas que tu l'ouvres, c'est ce qu'ils voudraient qu'on pense. Je leur offre mon troisième doigt en guise de récompense. Alors je prends le mic, je suis allé, je me tape. Un trèfle pour emblème au sein de la Caritas. Ils sont des champs de mine. Ça plaque pas, c'est la même à chaque fois. Malgré les obstacles, on trébuche à chaque pas. Ils sont des champs de mine. Yeah. Ici ça plaque pas, c'est la merde à chaque pas. Malgré les défaites, je me relève à chaque fois. Comprends ma vie, un champ de ruines quand c'est la guerre de nos cerveaux. Ici passe un sol ruine et ça, depuis le perso. Faut se défoncer à coups de poing dans les cours de récréation. 10 ans plus tard, j'ai besoin de soins, j'ai plus aucune motivation. Dans les tranchées de ma vie, je me cartonne qu'avec moi-même. Retourne-toi et aperçois l'ennemi. Avec tout ça, j'oublie même le mot je t'aime. Au pied, coince dans une mine. Crois-moi, je lutte pour me relever quand je vois le monde et la famille. Ça m'écœure de voir qu'il n'y a plus de famille. Chacun son parcours, chacun ses choix. De jour en jour, c'est chacun pour soi. Ça pour avancer, chanter pour espérer que ce monde comprenne mon message. Que la pollution a même atteint les nuages. Alors où est le paradis dans tout ça? C'est pour tous ces gens, j'y espère. L'armistice, la fin d'une lutte, la fin d'une guerre. La fin d'une lutte, la fin d'une guerre. La fin d'une guerre. Nos vies sont des champs de mine. Yeah. Ici ça plaque pas, c'est la même à chaque fois. Malgré les obstacles, on trébuche à chaque pas. Nos vies sont des champs de mine. Yeah. Ici ça plaque pas, c'est la merde à chaque pas. Malgré les défaites, je me relève à chaque fois. Nos vies sont des champs de mine. Nos vies sont des champs de ruines. Nos vies sont des champs de mine. Nos vies sont des champs de ruines.